rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial La Crime. Deuxième semaine. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée avec La Crime en direct. Les images dispo sur skyrock.fm. Comment ça va? Ça va et toi Fred? En pleine forme? Ouais, très bien. La Crime toujours numéro 1 avec l'album Corleone. Ouais, ça fait plaisir. Ça se passe bien pour l'album. Il y a du soutien et tout, franchement, ça fait chaud au cœur. Dites-nous avec les messages aussi le hashtag La Crime sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Ouais. Ce soir, il y a le réalisateur qui est là. Ce soir, voilà, t'as vu, pour la première fois là, dans Skyrock avec La Crime, bah, il y a Cor. Voilà, Cor qui est là. Tout le monde. Cor qui a réalisé la totalité du projet. Ouais, j'ai réalisé tout l'album. Combien de prods dessus et tout, pratiquement, avec Belek? Vous êtes partagé le boulot? Ouais, j'ai dû faire. J'ai dû faire 10 prods, 10 prods sur l'album et ouais. Belek il en a fait 4. Et voilà. Il y a G-Way, il y a Mid aussi. Grosse dédicace à lui, Club Cheval, mon crew, DMC, Poto. Voilà, il y a beaucoup de gens comme il a pas ton projet. Ouais. Bon, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu justement l'enregistrement, la façon dont a été bossé cet album. On va en parler dans quelques minutes. Avec plaisir, je suis content d'être là pour le poteau, pour représenter. Merci mon frérot. L'album de La Crime, on a tout mis dedans. Bon, il y a une fierté quand même de voir qu'il est numéro 1 avec cet album. Bien sûr qu'il y a une fierté. Ça fait plaisir d'être numéro 1 avec de la musique sans compromis. Comme on a voulu faire. Exactement. Voilà. Et bon, on reparlera aussi sur votre histoire en commun, parce que l'histoire elle est longue, hein, elle date pas de cet album non plus, non. Corleone. On va en reparler dans quelques minutes, mais là on va se replonger directement sur sur le Planète Rap de Corleone, sur le Planète Rap de La Crime, et on va réécouter ce qui s'est passé rapidement. La Crime, poteau. Ouais, hier soir dans l'émission. Planète Rap, le replay. Ok, La Crime cette semaine sur Skyrock, dans Planète Rap. Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est en effet le coup d'envoi, début de la deuxième semaine avec La Crime et l'album Corleone, comment ça va? Ça va Fred et toi? Est-ce que je reçois un mec content, heureux? Oui, je suis content. Détendu? Oui. Numéro 1 depuis cette nuit. Ouais, bah ouais. Ça lâche pas l'affaire. Normal. D'ailleurs, tu sais quoi, nous on est descendu dans la rue, on a été prendre un petit sondage devant les gens qui ont acheté ton album. Non, tu veux écouter? Ben, bien sûr. Là, on passe à la radio. Ah, La Crime, t'es un ouf. Ouais, bien sûr, La Crime, bien sûr, Corleone. Non, franchement, ça va, il est cool, hein, il est bon. Je l'écoute depuis ses débuts et j'aime bien. Quand il dit ses morceaux, on sent qu'il est vrai. Genre, on sent son vécu, tout ça. On sent que dans ses paroles, il a un lourd vécu, tu vois. Mon Glock, te mettre à genoux, celui-là, c'est mon préféré. Mais par contre, le dernier, là, les drogues ou je sais pas quoi, faut éviter le vocodeur. Tu vas le demander en mariage, hein? Non, c'est à lui de me demander en mariage. Ah, c'est la première fois de ma vie, de toute ma vie, hein. Je vais acheter un CD à la fin. Il va faire mal au derche, il a fait très très mal au derche. On est en train de l'écouter, en fait. T'étais en train d'écouter La Crime? Ouais. Bah, il déchire, hein, La Crime. Ah, c'est un Renan? Non, c'est un Rebeu. Ouais, en fait, ça, non. Je le connais pas. Il continue ce qu'il fait, c'est bien. Le nouveau album, il est sorti. T'as été l'acheter? Non, pas encore, j'ai pas l'argent là. Mais bientôt, j'allais acheter. Pour ses sons, pour ce qu'il raconte dans ses sons, son vécu. Et même tout, ouais, j'aime bien, voilà ce qu'il fait. Ça fait plaisir d'avoir par exemple, sondage express. Ouais, bah ouais. Franchement, ça m'a fait plaisir. Bien. Après, pour le mariage. Ah oui. Ça va être un peu compliqué. Pas tout de suite. Plus tard. Ouais. Renoir, Rebeu, je suis un chinois, elle connaît pas la musique. Elle connaît pas La Crime, elle a raison. En fait, La Crime est asiate. Et pour le vocodeur, après, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Il y a une différence entre le commercial et de la musique. T'as vu, je sais ce que je dis dans ma musique, il y a rien de commercial, tu vois. Les radios auraient peur de jouer ce morceau. Est-ce que tu es prêt pour faire le live de Oz? Allez, c'est parti. Madame la juge, on est fiers. Fait de sang et de chair. Vos peines planchées n'ont qu'un seul but, faire pleurer nos mères. J'avoue, voir grandir. J'avoue, un peu mon fils. J'avoue, je pense à mes potes. J'avoue, encore. C'est comme un lit là. Ça se passe comme ça ou pas? Je vous oublie pas. Tu prends des risques, tu te prends pour un boss. Planet Rap. Voilà ce qui s'est passé hier soir rapidement dans l'émission entre 20 et 21, mais faut être là tous les soirs en direct avec La Crime. Et ce soir donc, Cor, quel accord, tu vas peut-être nous dévoiler un petit peu justement l'enregistrement et puis comment est née cette rencontre avec La Crime. Je disais, ça date pas de cet album, hein, ça fait longtemps. Non, ouais, ça fait des années qu'on se connaît avec La Crime. Je l'ai vu évoluer. Il y a un moment donné où moi j'étais plus trop là et j'entendais parler, je voyais ce qui se passait. Toi, c'est vrai que t'es parti beaucoup aux États-Unis. Bah, ouais. La dernière fois que je t'ai vu, c'était avec Rick Ross, quand ouais. il était là en France. Ici, ouais. Où il validait tout ton boulot, justement. Tout, ouais, ça fait plaisir. Tout le taf que tu fais et que t'as pu bosser avec son équipe aussi. Bah ouais. Et puis là, donc, la crime, toi, il arrivait comment le projet en fait? C'est un coup de fil ou alors c'est. Ouais, en fait, non. En fait, le truc, c'est que. Là, moi, j'étais tellement respectueux en fait de son parcours. Et j'avais envie de bosser avec lui. Mais même si on se connaissait et on se voyait de temps en temps. Je me voyais pas, tu sais, lui dire vas-y, viens, on y va, machin, comme ça. Et en fait, on avait un poteau en commun qui s'appelle Xav. Et j'ai dit à Xav, si tu vois la crime, dis-lui qu'on se voit. Et je suis descendu une première fois à Aix. À Aix, ouais. C'est fait un rendez-vous de l'Ossa. Ouais, tu vois, très bon restaurant. Un bon resto, on a bien rigolé. Après, on est redescendu avec Benjamin. Ouais. Dans un petit motel à la Tarantino. Voilà, c'est ça. Voilà. Et grosse dédicace à Benjamin aussi. Benjamin, c'est le patron de Def Jam, le label sur lequel t'es signé. Si lui, il est pas là, il y a pas tout ça non plus. Donc, voilà, grosse dédicace à lui. Et voilà, en gros, comment ça s'est passé. Et puis après, si tu veux, tu sais, il y a des projets comme ça où toutes les étoiles sont alignées. Moi, j'avais envie de représenter à nouveau dans le rap. J'ai bien dit dans le rap. Le rap. Et voilà, et la crime, c'était l'artiste parfait pour moi, si tu veux, pour montrer un petit peu le taf, et ça l'a fait direct, tu sais, on est en Bluetooth, lui et moi, tu vois. Est-ce qu'il t'a surpris, justement, parce que tu connaissais son boulot, si ce qu'il faisait, est-ce que, voilà, sur l'enregistrement, t'as été surpris ou? Mais en fait, moi, c'est son écriture à chaque fois, sa signature vocale, son écriture, et sa capacité, si tu veux, à emmagasiner un maximum d'infos, parce qu'en studio on s'est pas fait de cadeaux, tu vois. On était là vraiment pour déchirer le truc. Il y a des moments où il était cuit, on a enregistré dans des conditions qui étaient pas spécialement faciles en vrai, parce qu'avec le bracelet fallait se lever super tôt, comme Benjamin le sait. 8h, je suis debout moi tous les jours. Et en fait non, tu vois, donc ouais, c'était ça. Après, au moment où on a une vibe, à 16h, faut arrêter parce qu'il doit partir. Donc c'était des conditions de travail assez difficiles mais agréables, avec une super équipe qui nous a super bien accueillis. Ouais. Ayman et Sam. Studio Camouflage. Frère. Studio Camouflage, gros dédicace à eux. Et voilà. Et après, si tu veux, en termes de sonorité et tout ça, on s'était dit qu'il fallait amener le truc ailleurs. C'est quoi la ligne éditoriale justement sur cet album, sur les sonorités? C'est quoi l'objectif en fait? L'objectif, c'est d'arriver avec des morceaux lourds. Tu vois, super lourds, où tu te dis aujourd'hui en 2014, comment tu vas étonner les petits? Tu vois, comment tu vas étonner un petit qui se bute au son H24 et qui écoute tous les petits Chicago, qui écoute tous les petits d'Atlanta et qui se dit tiens, comment on va ramener ce truc là en gardant ce truc très français. Mais il l'a à la base, la crime, tu vois, avec sa voix, avec ses punchlines, tu vois, qui sont bien à lui. Et donc voilà quoi, ça a été si tu veux le mélange de tout ça, et surtout d'arriver avec des sons et se dire attends non, là tu sais quoi, on va même pas rigoler deux secondes en fait, on va faire un truc de ouf. Et on l'a fait. Toi, c'était pas une inquiétude justement, la crime, de bosser avec le même producteur sur cet album? Je me suis même pas posé la question. Ouais. T'es pas dit ouais, il faut varier, il faut faire plein de choses? Bah, l'album il est varié. Ouais. Tu vois. Parce qu'en fait, le truc, ouais, par rapport à ce qu'il dit, c'est réaliser tout un album, c'est encore mieux quand tu fais pas tous les sons en fait. Parce que sinon t'as pas de recul. C'est-à-dire, si moi là j'avais réalisé tout l'album et en plus produit tous les sons de l'album, je sais qu'il y aurait eu des manqués à un moment donné, tu vois. Et voilà, à chaque fois on a choisi une prod fraîche, et nous notre seule limite c'est la qualité, tu vois. Il y a pas d'ego à ce niveau-là. Si t'as un truc qui défonce, bah ramène et on va kicker, tu vois. Bon, par exemple, si on revient sur l'histoire de Bracelet qu'on va écouter maintenant, le morceau avec lequel on débute dans Planète Rap, le souvenir de Bracelet que vous avez tous les deux. Ouais, Bracelet, c'était sur une autre prod en fait. J'ai posé Bracelet sur une autre prod et j'aimais pas. Le corps non plus n'aimait pas. Voilà, donc du coup, en fait les sonorités, les trucs, comment on voulait qu'ils soient. Et en fait, je te mens pas, je l'ai mis un peu de côté. On avançait sur les morceaux. Un jour, il m'appelle, il me dit va dans ta boîte mail. J'entends la prod, je tombe par terre. Tu dis c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. Ça s'est passé comme ça. On l'a posé trois fois le morceau pour qu'à la fin ça donne un bracelet. Et bon, on va l'écouter maintenant. Allez. Ouais. Allez, c'est parti, vos réactions avec le hashtag lacrime rock. C'est la rentrée aussi aujourd'hui. On fait un petit questionnaire rentrée avec lacrime dans un instant. À tout de suite. T'es une belle petite bombe atomique. Un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique, sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard. 69 890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin, je descends dans la promenade. Je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi avec Félix et Sau faire sauter le bus. Dehors, ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie, te laisser par terre. J'aurai un alibi, je serai à Miami sur un jet ski sans départ. T'aimes, c'est si t'aimes, je vais te faire. La com' est pas fait pour décevoir ses frères. Je me donne un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie, que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours du flow. Pour le fils de pute, elle est donneur d'ego. Je pense à mes robes, toujours en cage. J'ai beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Clique ma page, on est que les barrages. Ton pote, le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, un bon massage à bord de la plage. Ouais, ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est V12 et pas V6. J'ai tout niqué dans ma piscine. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Espèce de fils de pute à sucer. Y'a des locations qui sont pulsées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. J'compte à des vrais tueurs, quand même tu sais. Demandeur quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Toto à 23h, j'bois du champagne. Foie gras, pas des Stringles. T'inquiète mon frère, j'suis toujours le même. Calibré comme un Eagle. Ils parlent tous de moi comme gros Carlos. Bécane, photo, bamo. J'te laisse sortir devant chez toi. T'es mort devant la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que des billets violés. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi cet talon, j'vais la démonter. J'suis parti pour tout baiser. Les chartes, les chiffres jusqu'à tes WC. Dans la rue, sur mes couilles que j'ai tout misé. Comme une cala, pas besoin de savoir viser. Tout le temps, j'suis steppy. De toutes les couleurs sont mes yébis. De toutes les couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. As-tu saisi? Nique ta mère. Je représente les vrais frères. J'suis déter. Y'a mon album qui va sortir. Madame Echo, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, j'fume un joint d'herbe. J'me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On est simple, on le plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas. Bon, tous les potos à lui, c'est comment? Fren, Fleury, Bois-d'Arc, Nanterre, la santé. C'est comment le frais là? La Farlette, Nizar, ça dit quoi? Les Baumettes. Faites péter le son, Baumettes. Baumettes, Queen, génération coup de couteau, frère. Si vous pouvez, il y aurait des calibres. Je te le dis, ma gueule. Mon petit Ilan. La crime et le morceau Bracelet à l'instant, c'est extrait de l'album Corleone qui est dans les bacs depuis lundi, qui est un véritable carton numéro 1 actuel. La crime toute la semaine avec nous entre 20h et 21h avec Cor qui est là aussi. Cor qui a évidemment beaucoup bossé sur cet album. Voilà, c'est un petit peu la même chose. C'est vrai que tu fais les sons, enfin tu écris les paroles. Sur les sons. Sur les sons. Sur les sons. Mais il faut avoir les sons aussi. Ouais, comme t'as expliqué pour Oz, tu vois, quand j'écoutais, voilà, c'était un thème, c'était pas un autre. Et tu vois, c'est une ambiance. Je rentre chez moi, des fois, ça a été l'exemple pour le Poké Coffee. Là, par exemple, je l'ai écrit chez moi. Je suis venu le lendemain et tout, j'ai fait et tout, il a pété les plombs. Je me rappelle, Melja, il a pété les plombs. Il m'a dit non. Ah, c'était un truc bon. Pas pour des putes. Bah attends, toi aussi, je suppose que voilà, d'être aux États-Unis, t'as beaucoup bossé ces derniers temps aux États-Unis. Ouais. T'as apporté aussi une autre vibe de bah ouais, musicale. Tu le vis, tu le mimes pas en fait le truc, tu le vis en temps réel, tu vois. Et tu composes pas pareil tes morceaux quand tu sais que, par exemple aux États-Unis, quand je bosse avec Rick Ross, avec French Montana, avec Mick Mill ou tous ces mecs-là, quand tu composes pour eux. Enfin, quand tu composes un son et que tu sais qu'in fine ils vont l'écouter, bah tu composes pas pareil. Mmh. Et moi en fait toute cette science là que j'ai, cette expérience que j'ai eue ces dernières années, j'ai tout mis sur le projet du poteau et ça a donné ce truc là parce que lui-même il avait le bon truc pour représenter. Tu vois, donc ça fait plaisir. Et bah voilà, on va écouter un autre morceau d'ailleurs justement, un petit mot sur Lil Durk, Cor. Lil Durk, c'est un gars de Chicago, hein, ouais. C'est un des mecs chauds du moment là-bas aux États-Unis. Voilà. La connexion pour ce morceau. Bah en fait, le truc, c'est quand Belek il a fait la prod, on avait plusieurs choix de feat dessus. Et fort, si tu veux de la relation que moi j'ai avec eux, j'ai appelé French, j'ai dit à French, voilà, la crime aimerait faire un morceau avec Lil Durk. J'ai envoyé pas mal de vidéos de la crime à Lil Durk. Mmh. Il a kiffé direct. il est devenu ouf direct sur le mec. Il a dit c'est comme moi, c'est mon délire, machin et tout. Donc vas-y, viens, on le fait. Et on l'a fait. Et pareil pour le morceau avec French. Ce qui était bien sur ce coup-là, c'était que French et Leader qui font partie du même label. En fait, c'est French qui produit Leader. Et voilà, ça s'est fait de manière très simple. Est-ce que tu sens justement avec chez les Ricains, il y a aussi une époque, c'est vrai que les Ricains venaient peut-être faire des featuring juste pour le pognon, etc. Est-ce que tu sens que les mentalités aussi ont changé là-bas aux États-Unis quand tu leur proposes de faire un son avec les Français? Les mentalités, elles ont changé pour plein de raisons, parce que y a de plus en plus de Ricains qui font des choses ici et qui s'établissent carrément en France pour faire des choses. Je pense à un mec comme Kanye West, parce que j'ai une partie de mon équipe qui bosse beaucoup avec lui aussi. Qui ont produit deux titres sur l'album Isus. Et donc si tu veux, Kanye West, c'est un peu un baromètre d'ambiance, tu vois, pour les gens aux États-Unis. Donc dès qu'il y a un truc qui se passe par rapport à ça, le fait que tous les étés, tous les Ricains, ils sont à Cannes. Et voilà. Après, le pont réel, si tu veux, de ce truc, tu vois, Ricain français, je pense que c'est maintenant qui va se démocratiser de plus en plus. Tu vois, parce que nous, la manière dont on l'a amené. Beaucoup de gens ont fait des feats, peu de personnes ont clippé. Tu vois, bah, Leader qui a clippé, voilà. Qui arrivait il y a jeudi dernier. Ouais. Nous on a clippé et c'est que le début. On a d'autres trucs, on a un remix de fou qui arrive, mais on en parle pas, non, tranquille. Non, mais hier, il en a parlé hier. Il en a parlé. C'est quoi? C'est le remix de Corleone, c'est ça? Hein, ouais, remix de Corleone de fou. Et que c'est un truc de ouf. C'est relou. Voilà. Tu vois, on a fait un bon remix, Young Breed. J'ai dit Young Breed. Ah bah oui, vas-y. Moi je dis que Young Breed. MMJ, mon pote. Il y aura Icewood, il y aura du monde. Ah, t'as dit Icewood. Voilà. Ouais. C'est parfait. Tu veux rajouter? Il y aura Blue DJ. Ouais, Bobby Shmurda. Voilà. Billy Blue. Et bah. Non, un vrai remix, quoi. On ramène le truc comme il faut et voilà. Et c'est cool. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça se passe super bien là-bas. Il y a des bons projets. On a d'autres projets qui arrivent. Ouais, un binge. Ouais. Clé de bras, la crème. Ouais. Bon, ce sera à suivre, on tiendra au courant évidemment. Et là, on écoute le morceau, on fait pas ça? Allez, tout de suite. Avec l'île de Rock. Pas ça, fais pas ça, gros. OTF, NWA. Electrac, mon gros. Mégane, Sylvie, Christophe. Parler pour ne rien faire. On fait pas ça. Se coucher dans une affaire. En vrai, on fait pas ça. Balancer à mes frères. Ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Prends tes sous et barre-toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'la paient. Clock, shit, coke, beef, 3 litres de Farc Zeno. Si j'arrive, tu te feras buter forcément. Ils m'en veulent car j'ai trouvé la faille. Je dormirai plus jamais sur la paille. Babe, ils ne sont pas à ma taille. Fuck you, Kana, Rafale. Pourquoi faire de la taille? Cette année on verra bien qui est le meilleur. J'suis de mauvaise humeur ce matin, j'lui ai mis derrière. La devise ne jamais parler pour rien. Alors ferme ta grande gueule, gros. Parler pour ne rien faire. On fait pas ça. Se coucher dans une affaire. En vrai on fait pas ça. Balancer à mes frères. Ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent. Mais comme moi. Prends tes sous et barre-toi, gros. Qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'la paient. OTF. Nigga be talking about killers. Squad. Get it. Only fuck with my killers. Squad. We don't fuck with these niggas. Nah. Fuck nigga better keep they distance. Poppin' out, one time we poppin' out. Ain't no shooting from a cotton nigga. Phone them hoppin' out. Let's get the shit, we the shit. Movie clip, shoot a script, gang shit. Niggas wantin' that fame shit. Lil' phone them gon' change shit. Nigga better change quick. We real niggas, let's get it. Let's get it, let's get it. So you better keep your hands on high. Yeah. Cause I can't trust these niggas, no. AWA, gros. No. Let's get it. Tu sais très bien, on fait pas ça. Se coucher dans une affaire. En fait, on fait pas ça. Balancer à mes frères. Ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent comme moi. Prends t'es soué par toi, gros. Corleone. Dans les bacs pour les bons. Dans ton cul pour le faux. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut que la paix. Profond dans ses fesses. Des heures du match, fais un bain de minuit noyé dans l'ivresse. Pas besoin de sucer pour me faire des amis. Ils parlent de mourir, je sais qu'ils aiment trop la vie. Oui, je veux faire des gros sous, casser loin d'ici. Dealer, Sabri, C4 pour mes ennemis. Je vis la rue, 9-4, c'est de là d'où je viens. Afif, j'en mets mes petits bas chez les Marocains. L'huile, bâtiment bus, quoi. Comme d'hab, belle à la prod. Casser le dos, c'est du nez. Wesh Boudère, Fraîche, Nagui, Nadir, Congo, Fater, Fatih, toute la promenade du bâtiment B, Marco, 143. Fais pas ça à l'instant avec Leader, c'est un morceau que vous retrouvez, un morceau qui est clippé aussi, hein, je le disais hier, 1 500 000 vues en l'espace de 4 jours, donc ça a dû monter encore aujourd'hui. Ouais. Pas suivi tous les chiffres, mais ça monte fort en tout cas, et les images sont dispo. Pour retrouver Leader, tiens, coordonne-nous un petit mot juste par exemple sur Leader. Sur lui, sur son parcours musical. C'est un gars de Chicago, je le disais. C'est un gars de Chicago, t'as vu, il fait partie d'Otchiev, tu vois, avec Lil Riz, avec Fredo Santana, avec voilà, toute l'équipe. Et Rondo, Free Rondo. Mmh. Et voilà, c'est des petits gremlins qui prennent le marché et y a rien qui va les arrêter. Mais pareil, c'est une histoire de parce que le rap il existe, ça fait bien longtemps aux États-Unis. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc, comme on dit, précurseur là de jeunes mecs qui ont vraiment faim, tu vois. Et c'est tous des Corléonais, t'as compris. Ils partent de rien, frère, ils ont la dalle, tu vois, là-bas, c'est Chirac, frère, c'est encore plus chaud qu'ici. Après, c'est une échelle et des degrés, tu vois. Et voilà, ils partent de rien. Et les gens, ils savent, tu vois, regarde, musicalement, ils sont forts. Ça veut dire, ils rappent, comme je t'ai dit, t'as vu la fin des fois, c'est comme les footballeurs, les trucs, tu vois. Et il y a une crédibilité derrière ça, les gens, ils sont fous. Et c'est pas des artistes, en fait, qui, tu sais, sont tellement imprégnés par la rue qu'ils cherchent pas de signature. Ouais. Tu vois, il y a un autre mec, par exemple, à Atlanta, qui s'appelle Pee Wee Longway. C'est un mec, tu vois, il fait tellement d'oseille dans la rue, tout le monde veut le signer, et il en et a lui rien veut à faire. Il veut pas signer. Tu vois, non, il est dans son coin. Young Scooter, pareil. Tu vois, et tous ces mecs-là, c'est des mecs avec qui j'ai bossé déjà. Il y a des projets qui arrivent. Et voilà, on a voulu ramener un peu de cette vibe sur. Mais avec, en effet, tu disais, la spécificité française et en l'occurrence, avec la crime. C'est important de gérer, si tu veux, sa schizophrénie entre ce qu'on fait là-bas, ce qu'on fait ici, parce que ça peut aussi ne parler à personne. Et là, je pense que, au vu de ce qui se passe, numéro 1 des ventes, tout, je pense que voilà, ça. Tu vois les messages aussi, hein, ça a trouvé son public. Allez-y, avec le hashtag la crime sur Skyrock. Vous pouvez mater les images aussi sur Skyrock FM. Alors aujourd'hui, c'était la rentrée, la crime. Peut-être quelque chose que tu as suivi pour 12 millions, 12 millions d'écoliers, de lycéens, de collégiens. Dès que je me suis réveillé, je me suis empressé d'aller sur mon Instagram et souhaiter une bonne rentrée à ceux. Toi, t'as quel souvenir de rentrée? On va faire un petit questionnaire rentrée. Ouais, première question, souvenir de rentrée, c'était quoi? Souvenir de rentrée, c'est. Déjà, quand j'étais en primaire, ma mère, elle faisait quoi? C'était un réflexe. C'est après, je te parle vraiment. T'es en CM2, je me rappelle très bien, elle m'a emmené directement voir le maître qui me connaissait même pas. Elle a dit, ça c'est mon fils. Vous pouvez frapper. Faut faire attention et tout. Et le maître, il a dit, non, mais on fait pas ça et tout. Madame, elle a dit, il a une tête charmante. Elle était déjà dans le morceau, on fait pas ça, le maître. Elle savait, ma mère, elle savait, tu vois. Elle a dit, faut vous laisser pas avoir et tout. Faites attention. Ah oui, intelligent, il travaille. CM2. C'était la rentrée hier. Ouais, aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui la rentrée ici. Je souhaite une très très bonne rentrée à mon petit neveu Adam. Voilà. Il va nous ramener encore de bonnes notes. Donc, deuxième question sur ce questionnaire rentrée. Toi, t'as arrêté l'école quand? J'ai arrêté l'école deuxième, sixième. Belek, t'as arrêté l'école. Hier. C'est un regret ou pas pour toi, justement, l'école? C'est un regret, juste dans, tu vois, déjà dans. Parce que personnellement, après, moi, j'ai fait mes bagages, tu vois, je les ai fait autre part. Ça m'empêche pas d'être. Je sais que je suis pas con, tu vois, en toute humilité. Donc voilà, mais après, c'est le cursus normal d'un adolescent. Tu rentres, tu manges chez toi, tu dors, tu vois. Le lycée, les potes, les trucs, tu vas au sport. Moi, j'ai jamais connu ça. Tu vois? C'est-à-dire même le fait, et je te mens pas, hein, si j'ai fait de la bécane et tout, c'est pour aller faire des trucs. Mais sinon, je suis pas un mec du dehors qui pilote les scooters, des trucs, j'ai même pas eu le temps pour ça. Et jouer à la play, tout ça, j'ai jamais fait ça de ma vie à part en prison. Tu vois ce que Ah oui, sinon tu jouais pas, ouais. Ouais, j'ai jamais eu le temps, jamais truc, jamais l'amour pour ça, je vois, tu vois. Voilà. Bon, questionnaire rentré, à l'époque, t'aurais aimé vers quelle étude? Aller vers quelle étude? Je sais pas, moi après, quand je vois la réussite des gens et tout, c'est, tu sais, baver, c'est bien. Avocat. Ouais. Donc le droit, le juridique, ouais. Ouais, c'est un truc qui aurait pu. Ouais, avocat, c'est bien. Ça, c'est un truc qui aurait pu te plaire. T'es utile, c'est modèle de réussite toujours chez nous, c'est bien. Tu vois? Bah, t'as raison. Ouais. En même temps, c'est, il faut aussi, d'ailleurs, c'est important de dire aussi, même pour, d'ailleurs, pour la musique, c'est important de préciser que voilà, il faut aussi des gens qui. Ma mère, elle m'envoie un message là, elle m'a dit, dis-leur que tu jetais ton cartable. Ah, suis, maman, bah, on la salue en tout cas. Ouais, tu as-tu jeté ton cartable carrément? Ouais, j'étais mon cartable. Je rentrais chez moi sans cartable. Après, il y avait des services bizarres qu'ils appelaient, d'arrondissements bizarres, et disaient, on a retrouvé le sac de votre fils. Ah, ta pauvre maman, je me dis ouais, franchement, ouais, je regrette. De toute façon, elle le sait, très fort. Bah, elle le sait, mais tu le dis dans les morceaux, de toute façon, voilà. Ouais, je les aime très fort, je suis pas fier de ce que j'ai fait, voilà. Bon, on va finir ce questionnaire rentré. Alors, je sais pas si t'as suivi. Alors, quel souvenir toi t'as été prof? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué au moins dans le peu de temps que t'as fait dans le cursus scolaire? Est-ce qu'il y en a un au moins qui t'a marqué? Ouais, j'ai une prof qui m'a marqué, ouais. Ça s'appelait Madame Pulicani. Et c'était prof de? Prof de français. C'était ma propre. Et t'avais la même ou quoi, Cor, il fait signe. T'avais la même aussi ou quoi? Non. Ah bon, je pensais que t'avais la même. Madame Pulicani, ouais. Parce qu'en fait, elle était gentille et tout, mais elle était trop chiante. Et plus t'étais chiant, et je te jure, plus psychologiquement, elle était chiante. Ça veut dire que je l'aimais trop, cette prof. Et elle m'a marqué, j'aimerais bien la revoir aujourd'hui. C'est vrai, bah écoute, peut-être qu'elle est peut-être fière de toi d'ailleurs, Josette avec ses textes. Pulicani. Bah on la salue, en tout cas, si ses enfants écoutent le Planet Rap. Voilà, la crime a été en cours avec cette prof de français. Madame Pulicani. Bah, pour finir là-dessus, justement, je sais pas si t'as entendu, c'est le truc qui tourne sur le net en ce moment. Il y a des profs, je me dis que parfois, j'aurais bien aimé avoir des profs comme ça. C'est deux profs, il y en a un de physique, un d'histoire géo, qui sont du collège Mazarik, si je dis pas de bêtises, à Châtenay-Malabry, dans le 9-2. Et qu'on fait un morceau qui s'appelle Rentrée des clashs, c'est-à-dire que les mecs rappent. Oh. Je te jure, écoute. Rentrée des clashs, ouais, c'est la rentrée des clashs. Et voilà, ça y est, on est déjà en septembre. Demain matin, faudra que je bouge pour quitter ma chambre. Fini les journées à glander devant la télé ou à jouer à l'ordinateur. C'est déjà la rentrée, dans moins de 24 heures. J'étais habitué à me lever en début d'après-midi. Abusé, c'est le retour du réveil pour me sentir attendu. Évitons d'arriver en retard dès le premier jour. Ce serait trop la honte si je ratais mon tout premier cours. Je le sens pas, ça va être chaud de réussir à reprendre le rythme. Envers les profs de maths et leur fonction logarithme. Et l'autre avec sa chimie et sa mesure du pH. Et celle d'un plastique avec tous ses tubes de gouache. En vrai, je suis pas motivé, ça va me faire trop bizarre. Cet été, les grandes vacances, c'était vraiment trop tard. Fini la plage, les churros et les glaces à la vanille pistache. Malheureusement, demain à 8h, c'est la rentrée des clashs. Ouais, c'est la rentrée des clashs. Allez hop, assieds-toi et ouvre-moi ton cartable. Oublie les vacances, c'est l'heure de jouer carte sur table. Voilà, rentrée des clashs à l'instant fait par un prof de physique et d'histoire géo du collège Mazarik à Châtenay-Malabry. Bon, on les salue en tout cas. Je trouve ça bien aussi, si je me dis, si j'avais eu des profs comme marrant, ça. Peut-être. Marrant, ouais. Tu vois, peut-être. C'est la rentrée des clashs. Mais je me dis, si j'avais eu des profs comme ça, en tout cas, peut-être que la scolarité aurait été meilleure. Ah, moi, j'ai eu un bon prof aussi, je le dédicace. Ouais. Alain Banque. Je sais pas si c'est à cause de son nom, tu vois. Un nom de famille, déjà, immense. Ouais, moi aussi, grave. Il a un nom qui gros, te plaît. Une de ses Kaira. Il allait dans ma cité et tout, s'embrouiller avec les mecs. Bah, tiens, dites-nous, vous aussi, tiens, vos profs, à quoi ils ressemblent? Alain Banque. Allez-y au 41759 avec le hashtag la crime sur Skyrock. Vos profs qui vous ont marqué aujourd'hui, dites-nous pour cette rentrée des classes. On va revenir dans un instant. On mettra quoi, le Ose? Ouais, on va mettre le Ose. Tu l'as fait en live. On va le passer dans quelques minutes. Ouais. Et puis on vous attend aussi pour faire tourner la roulette tout à l'heure au 41. Et on va faire un live aussi. Et on fera un live, ouais, je suis qu'un thug. Très bien, bah bougez pas, c'est la suite du programme. Le Planet Rap de la crime revient après ça. Comme toi, la crime a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec la crime et l'album Corleone qui est dans les bacs depuis lundi 1er septembre, cet album, on va écouter un morceau qui s'appelle Ose dans quelques minutes. Ose, un petit mot sur Ose, que ce soit Cor ou toi. Je pense que comment est né ce morceau? Voilà, t'as vu, c'est la prod. Il y a la prod, ça réfléchit à un thème. Il y avait deux options, mais celle-là, c'était la plus certaine, la plus évidente. Donc après, on bosse sur le morceau. Pareil, ça a été vite. Je te parle dans l'écriture parce que c'était naturel et tout. Je l'ai écrit chez moi. Le lendemain, je suis arrivé au studio. Et voilà, on l'a claqué. Après, il y a eu un gros travail de réal. Et ce thème, après, moi, je sais que par rapport à Cor, je suis plus apte à en parler, mais que lui malgré ça déjà chantait, que c'est pour ça que c'était un morceau fort. Mmh. Parce que tu sais, les frissons ils étaient là, l'émotion du morceau elle était là, tu vois, tout le monde est touché. Parce qu'en fait le thème, plein de gens se sont essayés à ce thème là, si tu veux parler de la prison et tout, mais personne n'en a parlé, si tu veux, de cette manière là. Ça veut dire qu'en vrai, tu sais, faut pas, tu sors de prison, t'es abîmé un petit peu, tu vois, faut pas se mentir, tu vois. Et c'est ce côté un peu intime et de se livrer, surtout sur le refrain en fait. Ah bah ouais. Où voilà, moi je trouvais que c'était mortel pour ceux qui savaient pas ce que c'était, ou ça donne pas spécialement envie d'y aller, c'est aussi le but. Ah bah tu vois, c'est dur d'expliquer ça aux jeunes. C'est ce que t'expliques dans tes morceaux, et même d'ailleurs dans le Planet Rap, on en a parlé la semaine dernière, un petit peu aussi cette semaine. Voilà, il y a pas de glorification de quoi que ce soit. Ouais, pas du tout. Là, les potos, là, je les écoute, ils m'écoutent, ils soutiennent. Mais sans la musique, eux, ils sont là-bas. C'est, je suis triste pour eux. T'as compris? Et si je suis triste pour eux, c'est que forcément, tu vois, il y a un truc. Ils aimeraient bien être dehors. T'as vu? C'est une vie qui passait quand même. Tu vas mourir un jour. Et t'as été enfermé, t'as pas pu, tu sais, explorer plein de choses dans ta vie, voir des gens, découvrir. Mmh. C'est quand même, tu sais, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, t'accumules, c'est encore pire. Ah bah, tu vois. Et puis, même quand t'es là-bas, c'est double dans la tête aussi. Bien sûr. Mais quand tu grandis, tu réalises tout ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en prison, j'en avais rien à foutre. Mais là, tu vois, c'est, voilà. Bah c'est vrai que oui, plus jeune, tu peux très bien dire. En plus, toi, t'es rentré quand même assez tôt, malheureusement, dans cette voie-là. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à un moment, tu dis, ouais, je le fais. Ouais, bah voilà, tu payes, tu prends, tu payes, t'assumes, y a pas de problème. Rien à foutre, sauf que quand t'es là-bas et quand t'es à l'intérieur, ça. Ouais, voilà, c'est dommages collatéraux, comme je t'ai dit, tu vois, les parents, les trucs, la famille, la femme, les enfants. Tu vois, surtout quand tu grandis, tu prends de l'âge, tout. Bah, même là, regarde ce que t'expliquais aussi, même pour l'enregistrement de cet album, obligé d'enregistrer la journée, voilà, c'est quelque part. Il y a des vraies contraintes. Bon, après, moi, j'ai jamais été en prison, donc je sais pas ce que c'est. Mais j'ai déjà visité des amis à moi là-bas. Et rien que ça, déjà, tu vois, il y a un truc super oppressant. Et ce truc oppressant, tu le retrouves dans le morceau, en fait. Tu vois, il y a un truc lent, relou, tu vois ce que je veux dire, l'attente. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des mères de famille arriver 3 secondes en retard, se faire refuser un parloir. Elle venait de Strasbourg. Et qui venait de loin, ouais. Elle venait de Strasbourg, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un bon truc, là, parce que moi, je suis tout le temps de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est la misère, par exemple, pour les familles qui viennent. C'est dur, autant que nous pour eux, comme je t'ai dit. Tu vois, et la mère qui est fatiguée, tu vois, elle est éprouvée, elle vient quand même à tous les parloirs. C'est un truc de fou. C'est que moi, avec l'attente qui va avec. Voilà. Je compte, ma mère, elle a dû faire plus de 600 parloirs. Tu sais, t'imagines, 600 parloirs, 600 fois, elle est venue voir au parloir. C'est un truc de fou. Frère. Je pense qu'elle aurait aimé te voir ailleurs. Ah oui, bien sûr. Que dans ces conditions. Et je félicite d'ailleurs à ce sujet-là. Moi, quand j'allais voir un ami à moi, en fait, à Fresnes. Ouais. Et tu sais, t'as pas mal de mères de famille d'environ 60 ans, 70 ans. Des grands-mères même, c'est qui font juste du bénévolat et qui sont là pour réceptionner les familles. Je trouve ça magnifique. Voilà, donc grosse dédicace à elle aussi. Et bon, salut tout le monde. Ose, c'est le morceau qu'on écoute. Petite question aussi, allez-y si vous avez la bonne réponse. On en a parlé il y a quelques minutes. Quand s'est arrêtée la scolarité, puisqu'on est le jour de rentrée des classes, quand s'est arrêtée la scolarité de la crime, il nous l'a dit il y a quelques minutes. Si vous avez la bonne réponse, 41759, le hashtag la crime sur Skyrock, vous repartez avec l'album Corleone. Donc voici un extrait maintenant, Ose. Voilà. Faites péter dans les chaumières. Alors le bâtiment B. Bientôt la sortie, partout sur Inch'Allah. Arrivant, isolé, quel mauvais temps. Je m'étais dit ça plus jamais. Les parloirs et les rages dedans. La canicule assèche les fleurs. Bah moi la tôle, non c'est mon âme. Juste une petite trêve, je dors plus, je traîne. Je fais plus de rêves, laissez mon cœur au crève, gros. Wesh la crime, comment ça va? T'inquiète mon frère, un téléphone, un bloc de shit. Je m'occupe de toi, je pense à ma famille que j'ai laissée. Ma mère doit péter les plombs. Pour toutes ces galères là, je voudrais vous demander pardon. Hein? Si tu viens me voir, retiens tes larmes. Ne t'inquiète pas, je sors bientôt. La tôle c'est rien, je suis sur un pied. Ma vérité, j'suis dégoûté. J'avoue, j'veux juste. J'avoue, aimer. J'avoue, voir grandir. J'avoue, un peu mon fils. J'avoue, j'pense à mes potes. J'avoue, encore là-bas. J'avoue. Bâtiment B, mes bâtiment B. J'avoue, j'vous oublie pas. Frère, on va délover. On tombe, mais on sait se relever. J'arrive au bâtiment B. J'ai les potes, donc je vite OP. Ouais, corps, frère, ils m'ont eu. Envoie de la prod, je les tue. Je venais à peine de signer. C'est pas comme ça que je vais me réinsérer. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Ma dignité vaut-elle de la merde? Aurais-je le cran de leur faire la guerre? Aurais-je le temps de voir toute la terre? Mais tout fait de haine, c'est tout ce qu'ils veulent. J'ai trop fait de peine à tous ceux que j'aime. À l'intérieur, c'est comme dans la tête. Faut s'est débrouillé pour se faire sa place. Dans les salles d'attente, les cours de promenade, des jours je connais tard, les affaires en plus, l'attente d'un courrier. Cette routine de bâtard, femme qu'on peut plus, ta mère qui fatigue de trop. Madame la juge, on est des hommes. Fait de sang et de chair. Vos peines planchées n'ont qu'un seul but, faire pleurer quand même, nos tu mères sais. Si tu viens me voir, retiens tes larmes. Ne t'inquiète pas, je sors bientôt. La tôle c'est rien, je suis sur un pied. Ma vérité, je suis dégoûté. Je veux juste être voir grandir un peu mon fils. Je pense à mes potes encore là-bas. À tous les potos encore là-bas, avec qui j'ai tourné. Tous les potos avec qui j'ai pas tourné, dans les prisons de France, et tous les autres qui souffrent, ils attendent le jugement. Grosse peine, courage, force. On dit que tout passe, mais faut le faire. Écoute la boucle, comme je répète, fume ton joint et laisse-toi aller, frère. C'est pas facile, j'avoue. Je veux juste j'avoue. J'avoue. Voir grandir. Boudet, fraîche, Nagui, mon fils, Fater, mes potes, Jussou, là-bas, le cœur serré. Vrai, je vous oublie pas. À tous les potos. Le morceau s'appelle Ose, vous le retrouvez sur l'album Corleone. Donc morceau voilà rempli d'émotions, c'est ce qu'on disait. Puis c'est vrai que le thème a été abordé, mais en émotion il n'y en a pas non plus 50 000. Je pense un autre morceau alors dans un autre genre, mais c'est vrai que sur l'écriture, sur ce thème, il y avait le J'ai mal au cœur de Kerry James aussi, ce fait Idéalgie sur l'album Idéalgie qui était voilà qui était je pense un morceau et en tout cas un album que t'as dû saigner aussi toi, toi bien la crime sûr, à l'époque. Bien sûr. Donc voilà avec une intensité, un morceau poignant, bien sûr, un classique, voilà. Un très très bon intensité classique. Exactement. Avec l'intensité et Ose en fait partie maintenant avec cet album c'est une belle référence. Qui est dans les bacs. Sûr. Est-ce que tu es prêt pour le live la crime? Toujours. Je suis qu'un thug. Je suis qu'un thug, frère. C'est prêt, on y va, on attaque? Allez, on attaque. Allez, c'est parti. Ok. Morceau du soleil, le morceau du rinté. Vous-même, vous savez. Ok. Je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, ouais. J'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, ouais. Tu fais ça, tu me cherches, tu sais où me trouver. J'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, ouais. Même si t'as le pare-bas, j'vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. Des love, des love, des love, des love. T'as le permis de poker, j'ai le permis okay. De tuer. C'est la guerre. Frérot, je sais ce que je vaux. Ils veulent me tirer dans le dos. Tous aveuglés par l'ego. La crime est venue tout rafler. T'es qu'un rigolo. Fume le mégot. J'ai grandi dans les affaires. Nique ta mère si tu penses nous la faire. Tu sais que rien n'est offert. Tu vas goûter le famas. Il est mort, allons trinquer nos verres. Lunettes sur le nez. L'album il sort en été. Dealer Jamel, il manque plus que leur mère et leur sœur pour un vrai comité. J'ai des couilles, des grosses liasses, des gros billets. Des lovés, des lovés. Jamais déviés. Des mecs comme moi en cité, y'en a des milliers. J'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, ouais. J'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, ouais. Tu fais ça, tu me cherches, tu sais où me trouver. J'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, ouais. Même si t'as le pare-bas, j'vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. Des love, des love, des love, des love. Ok. T'as le permis de poker, j'ai le permis Corleone. De tuer. Hey. Je veux faire le tour de la terre. Ouais. Refrain, ici, c'est l'enfer. Je suis dans ma cité, personne n'a quitté. Dormir en tôle depuis 16 ans vacciné. Dormir en. Dans mon équipe, y'a jamais tu vas tous. Il me faut des leves, demain je vais crever. Suffit de 5 chips pour qu'on vienne te lever, mon gros. On dit genre ah, pour te fumer ou te mettre pour la bagarre. J'appelle Babou le barbare, tu vas ronfler jusqu'à demain soir. Frérot, je veux ma paye, la même que Robin. Sur mon père, qu'ils aiment trop la vie pour devoir la perdre. Hein? J'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, ouais. J'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, ouais. Tu fais ça, tu me cherches, tu sais où me trouver. J'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, j'suis qu'un thug, ouais. Même si t'as le pare-bas, je vais quand même te trouer. C'est un crime. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. C'est dans les bacs. Délové, délové, délové, délové. Délové, délové. T'as le permis de poker, j'ai le permis de tuer. Ok. Merci du soutien. Corléans dans les bacs, frère. Je suis qu'un tag. Morceau du Rinté. Morceau du Leisso. Ok. Y'a plein de messages. Corléans dans les bacs. Rare. Je suis qu'un thug à l'instant en live. Ah, il y a grand sourire de corps. Hein. Je sais pas ce que ça te rappelle l'enregistrement de ce morceau, mais. Ça me rappelle le dernier morceau de l'album. On avait même pas prévu de le faire. C'est ça, ouais. Ah, celui-ci, c'est le dernier. C'est fait deux jours ou trois jours avant de rendre. Avant de rendre les bandes, le master. Ouais. Il y a Benjamin, il est arrivé au studio. Avec sa tête, stressé. Ouais, il est bien, celui-là, il est bien. Eh, faut en faire un autre. Hein. Faites-en un autre. Hein. Voilà, faites-en un autre. Faites-en un autre. Ah, c'était ça, Benj. Bravo. Voilà. Bah voilà, ouais. Parfait. Je suis qu'un thug à l'instant, donc c'est les souvenirs. Tiens, en parlant de souvenirs, toi, Cor, qu'est-ce que t'as envie de dire à la Crime sur cet album, sur la collaboration, sur votre collaboration? S'il y a un truc que tu lui as pas dit ou t'as envie de lui redire à l'antenne maintenant? Je lui ai dit tout ce que je voulais lui dire. Ouais. Je suis juste très content pour lui, honoré d'avoir représenté sur ce projet-là. C'est que le début. Pour l'instant, ça se passe bien. On va rester cool, humble par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est le début d'une belle carrière. Faut pas oublier que c'est que son premier album. Mmh. C'est le premier album de la Crime. C'est ouais, pas, exactement. Tu vois, c'est très important. Bon, il y a eu des projets auparavant. Il y a eu des projets. Comme je t'expliquais, la musique déjà nous, elle se fait en autarcie. Ça veut dire, tu sais, on est dans notre coin, tu vois, même dans la vie de tous les jours, tu vois. Ça veut dire là, on sort, c'est le public qui découvre et c'est au public de s'accaparer l'album, tu vois. Voilà. Donc après tout ce qui se passe autour, nous, on reste humble. Et le travail paye. Voilà, c'est un gros bosseur. Franchement, je l'ai éprouvé en studio. Ah, c'est vrai. Je l'ai éprouvé en studio. J'ai perdu 2 skills depuis que je suis sorti. Une fois, tu veux une anecdote? Un jour, il arrive au studio super énervé. Il me dit, tais-moi, comment je suis? Je dis, bah quoi? Mais moi, je calcule pas ces trucs-là, tu vois. Ouais. Il me dit, tais-moi. J'ai perdu 12 skills. J'ai tout perdu. Ah oui, voilà. Bah attends, t'as tout donné donc sur l'album. J'ai tout donné. Même 12 kilos en moins. Ouais. Tiens, en parlant aussi, on parlait du public. Le public, tu vas à sa rencontre le 6 septembre, c'est ce week-end, ouais. À Perpignan, ouais. Purple. Le 12 septembre à Liège, en Belgique, ouais. À Mons, en Belgique, ce sera aussi le 13 septembre. Le 26 ouais. septembre à Lyon et 4 octobre à Arles, au Palm Beach. Exactement. Avec beaucoup de dates choquées. Ouais. Venez nombreuses. Configuration choquée en ce moment. Ouais. Gros show de la Crime. Et puis d'autres dates qui arriveront par la suite. Allez suivre la Crime sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas avec la Crime officielle. Avant de se quitter, est-ce qu'on met un petit Glock? Ouais, avec plaisir. Mon Glock, c'était le premier morceau, celui-ci, ouais. Qui a été balancé. Hein, premier titre qu'on a envoyé. Mmh. Ouais. Il y avait une appréhension particulière, justement, de balancer ce morceau. Non. C'était quel choix, en fait, celui-ci? Mais en fait, c'était le choix du retour. On avait déjà pas mal de morceaux, mais je pense que celui-là en particulier, il expliquait bien le retour de la Crime par rapport à ce qu'il disait, ouais, ce qu'il expliquait dans les couplets. Et voilà, une bonne énergie, tu sais, un morceau un peu épique, tout ça. Et ça faisait bien par rapport au fait qu'il sortait de prison, tu vois. C'était le premier enregistré, celui-ci, non? C'était le premier. Comme on était content. Mmh. Comme on était content. En même temps, c'est bien tout ça, comme j'expliquais sur la réal, tout ça par rapport au concert. Tu vois, les gens, on était préparés déjà. Je sais que j'ai un public, moi, qui me suit quand je tourne, tu vois, depuis avant que je rentre en prison. Ça fait, fallait ce truc-là, tu sais, pour les concerts, leur faire partager. Alors, on me disait, tiens, ça c'est bien, tu vois, mon Glock, tu sais, la gimmick et tout, il y a la fin, la frappe, Belek, tout ça, ça marche à mort. Ouais, Belek, il a trouvé. Les gens kiffent. Il a trouvé le gimmick du morceau. Franchement, la frappe, c'est tellement un truc de. Tu vois que tu retiens direct et, ouais. Et voilà. Non mais sinon moi mon appréhension, en fait, j'étais tellement impatient, tu vois, qu'ils sortent de prison, parce que on bossait l'album en fait par téléphone des fois. Je veux dire ça, hein. Gros. Yeah, il est encore sur son téléphone. Tu vois, on bossait un peu l'album par téléphone et moi mon challenge c'était de me dire que sur certains titres la Crime ils pouvaient chanter. Mais ce qu'il dit, non, c'est pas, crois pas qu'il a dévoilé une info que j'ai dit, j'ai écrit aucun titre à part Tout le monde veut délever. Voilà. Mais je recevais des prods, voilà. On écoutait, je savais que déjà celle-là je bloquais, je savais, voilà. Tu vois. Mais après, comme je t'ai dit, il y a un travail d'équipe, de réel à faire dessus. Ça veut dire après écrire, je peux écrire tous les jours sur une prod, tu vois. Mais c'était pas ça. Non, c'était pas le but. Le but c'est de quoi qu'il arrive, le jour de ma sortie, je savais que j'étais prêt. Eh ben, on l'écoute maintenant, mon Glock te mettra à genoux. Voilà. C'est extrait de Corleone, l'album qui est dans les bacs. Aïe, aïe, aïe. L'album dans les bacs, la Crime. À tous les potos du 9-4. Yeah. pays des bêtes, tu veux me faire la guerre, guerre. Mon clock te mettra à genoux, non, mon clock te mettra à genoux, non, mon clock te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon clock te mettra à genoux, non, mon clock te mettra à genoux, non, mon clock te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le pape, Rapstone frère. Non, mon clock te mettra à genoux, non, mon clock te mettra à genoux. Je relève les comptes et tu dois des sous. Non, mon clock te mettra à genoux, non, mon clock te mettra à genoux, non, mon clock te mettra à genoux. Je suis pas la perle rare, va niquer ta mère, j'emmerde rap. C'est moi que les keufs appellent l'arabe, c'est moi qui vais t'allumer ta race. Pourquoi sont-ils mauvais? Il faut les voyous mais sans lever. Je laisserai jamais partir en paix. Parole du premier bâtiment B. Là, je suis sorti, ça part de là. Dédicace à lui, la à tous mes braves. Bâtiment B, où c'est crabe. Récupère de la rue mais rien plus grave. Va donc t'enrayer ta soeur la chaîne. Tout le monde est chaud ce soir, il gèle. Gros n'avoir qu'une, c'est ça que j'aime. Et qu'est-ce que t'as tout carré, c'est sa chenette. Oui, oui, je veux dégager, je suis là, et piscine. Oui, mettre des homicides. Oui, je veux garder toutes tes salopes. Rien à voir avec mon missile. Oui, un vrai bonhomme avec nous. Oui, je suis juste bite avec vous. Oui, tous les hommes meurent, mais veulent vivre vraiment au bout du cul. Que je parle avec vous. T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre. Mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu croyais mort. Mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le baveux. Mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Je relève les comptes et tu dois des sous. Non, mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Je vais pas dans le détail. Casque intégral, une grosse bécane. Bang, bang, bang, la crime c'est wham. Pas de diplomatie, je suis une racaille. Et ouais, attends. Car le drapeau. Couleur bétien, couleur crapaud. T'as fait sa bip, moi sans braco. Dans mes deux hôtels de Monaco. Bref, ce sont tous des chiens qui aboient. Les gars, leur nique, leur mère, et y'a quoi. Mon accord, je m'aide, commence par toi. Connard, je veux te voir te rentrer, tais-toi. Écoute, tais-toi. T'as fond, t'es bâtard. De moi le tuyau, j'attache au Qatar. On a passé l'âge de faire des bâtards. Cousin, salut ta mère, je rentre au placard. Tu vis, tu chites, une chatte au parloir. Pas d'eux qui me rendent pas bon par moi. Des milliers de lettres remplissent mon armoire. Les vrais qui me font que penser à moi. Je ne suis haï que chez les faux. Je suis sorti tôt les gros, chez les gros. Seul sur la route, je trouve le trop. Aimé par les pros, aimé par les gros. Alors comment ça se passe? C'est tout l'album? C'est bon? T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre? Mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Car à la prod, fusil à lunettes. Trois promenades et tu me croyais mort. Non, mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Non, mon clock te mettra à genoux. Y'a pas de hasard. Y'a le pape. Mon clock te mettra à genoux. 13, à tout Marseille, 9-4. Je vis la rue. Je relève les comptes. Naïf. Tu vois des sous. J'y sais. Ok. Va pour ce car, ça dit quoi? Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. De la frappe. À l'instant, le morceau Mon Glock te mettra à genoux. Voilà. Premier extrait envoyé justement autour de cet album Corleone. Voilà. Et depuis, il y en a plein d'autres. Hein. Ouais, il y en a plein d'autres. Il y a des images qui arrivent aussi, il y a des clips qui vont arriver encore. Bah, là, il y a eu le Lil Durk. Ouais. Qu'on peut aller voir et puis. Il y a le Lil Durk, il y a encore. Il y a le French qui va arriver dans pas longtemps. Il y a un autre titre encore, je peux pas dire. Bon, on va en faire encore, je pense. Okay. Bon, il y aura de l'image pour tous ceux qui attendent la crime en image. Voilà. Merci en tout cas à vous d'être passé. Merci encore, Fred. Merci. Demain, à toi, tu vas repasser Fred. Peut-être d'ici la fin de semaine. Ouais, sûrement. Ouais, je vais venir soutenir le poteau. On est tous derrière lui. On veut qu'il s'éclate, qu'il s'amuse et qu'il démarre un nouveau truc lourd. Voilà, c'est cool. Ça fait plaisir en tout cas. Et merci. Ben voilà. Je le répète encore. À tous ceux qui soutiennent, vraiment merci. Et continuez à envoyer les messages avec le hashtag La Crime sur Skyrock. Avant de se quitter, avant de se dire au revoir totalement, on va faire tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le concert des deux méga stars US, Jay-Z, Beyoncé, Stade de France. Salut Audrey d'Avignon. Oui, bonjour. Salut Audrey, comment ça va? Je te présente La Crime. Salut La Crime. Salut, comment tu vas? Ça va, la forme? Tranquille. Dans le sud, Avignon. C'était bonne chance pour la Sky Roulette. Tu es prête à faire tourner? Ouais, pas tout. Allez, Jay-Z, Beyoncé, concert événement 12-13 septembre au Stade de France. Peut-être le dernier ensemble. Le concert, je parle. Non. Quoi, tu l'as seul? Non. T'as peut-être des infos encore, toi, direct des States? Non, rien. Non, on n'est pas encore. Ouais, t'as pas d'infos. Ok. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ça marche. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. Eh ben voilà, tu y seras. Tu y seras au Stade de France, direction Saint-Denis, le 12 ou le 13 septembre. Une des deux dates, tu as deux places pour le concert de Jay-Z et de Beyoncé. Merci, vous irez Skyrock, merci, la crème aussi, tu gères. Je t'embrasse, merci beaucoup. Tu as récupéré l'album de la crème ou pas, Audrey? Oui, je l'ai. Ah, ça fait plaisir. Ah, merci beaucoup. Là, c'est du soutien. Ça, merci. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Merci, merci. L'album, c'est Corleone. Il est dans les bacs. Merci à toi. Enfin, bisous, Audrey. Merci à vous aussi. Bisous, ciao. Ciao, ciao. Merci, la crime, pour cette soirée. Merci à toi, Fred. Demain. Ouais. On se retrouve 20h-21h. Bien sûr. Avec encore d'autres extraits du live aussi, peut-être. Exactement. On bref, verra. Tous les soirs de la semaine. Merci, Corte. Tu repasses peut-être demain aussi dans merci, la semaine. Merci, Fred. Ouais, je vais repasser tranquille. Comme t'es là. Tranquille, je vais repasser tranquille. Tu voulais ajouter quelque chose, finir. Non, Handspace. Juste, voilà, l'album, il est dans les bacs. Comme on a dit, il s'appelle Corleone. Et si vous aimez le bon rap, la bonne musique, bah c'est le moment de le prouver. C'est tout. Allez cliquer si ceux qui l'achètent en téléchargement légal, je précise, ou alors allez récupérer l'album en physique. C'est un peu partout dans toute la France. Merci à vous. On va retrouver D-Fool maintenant. Merci. Avec la Radio Libre, toute l'équipe de la Radio Libre. Normalement, si tout le monde est connecté au 01 53 40 30 20, avec vous aussi, qu'est-ce qu'il y a, Momo? Il est super, Fredo. Écoutez comme il fait ça. Bien. Le numéro de téléphone non, pour nous appeler. C'est un bon. Non, mais en plus, Momo s'agit. Je me suis dit, t'as eu une info que j'ai pas eu, Momo. Non. J'ai une info, que... c'est Marie. Voilà. C'est malin, ça. Très malin. C'est ça. Non, je sais pas. Peut-être, tu vois, une manie. Vous êtes bloqué quelque part. Oui, déjà pour que Momo s'agite. Effectivement, tu te dis qu'il y a un il truc. Il est là. Il s'agite d'un secours. Oui, c'est vrai. Mais c'est non, vrai. Mais là, voilà, vous êtes là. Tout va bien. Ben oui. On a profité du Planète Rap jusqu'au bout, nous aussi. Ça fait plaisir de vous retrouver. Eh ben, ça fait plaisir d'écouter la crime toute la semaine avec toi, Fredo. Exact. Et plaisir de vous retrouver tous les soirs. Salut les filles. Oui, salut oui, Cédric. Salut, oui. Salut. Ouais, salut les filles, ouais. Salut Cédric. Salut Cédric. Ça va, Cédric? Ouais, ça va, tranquille, pépère. Bon, tout s'est bien passé. Pas de galère aujourd'hui. Dans Planète Rap, bah, écoutez, tout va bien se passer avec nous. On va en profiter jusqu'à minuit. Vous pouvez nous appeler, tu as dit le numéro. Donc 01 53 40 30 20 dès maintenant. Allez-y si vous voulez passer à l'antenne si vous avez un truc à dire. Et sinon, les SMS, vous faites comme pendant Planète Rap, vous bombardez de messages. Allez-y, allez-y. Sur Twitter, sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Vous faites péter tout ça, on est là jusqu'à minuit et on démarre dans un instant. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'écouter? Tiens, on va faire choisir à Fredo. À moi la crime. Ah, moi je suis à fond dedans. Donc, du son ah bah de ouais, la crime. Tant qu'on y est, allez hop. Ou alors en quinri, le TI, que j'aime beaucoup aussi, nos médiocres. Ouais. Nos médiocres. Est-ce que t'as mis Tout le monde veut délover? Non, on n'a pas mis. Eh ben, on va démarrer avec ça alors. Eh ben, terrible, très belle idée. Eh oui, la crime. C'est ton idée, Fredo. Ouais, il est trop fort. Et T.I., on se mettra dans la soirée, le T.I. aussi, nommé Mediocre. Et puis, on se fera le Eminem tout à l'heure. Ah ouais, il est bon aussi, le gros. J'avais oublié celui-ci, mais il défonce. Tout ça, entre autres, avant minuit. Pour le reste, on vous dit tout dans un instant. C'est parti pour la Radio Libre. À demain, Fred. Ciao, ciao. Ciao. Jay-Z and Beyoncé.